Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. On est revenu de loin. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir pesé sur Start. Vous êtes dans l'Amérique numérique avec les frères Cassette, là où les jeux vidéo et la bière se rencontrent sans bug. Ni glitch. Comment ça va, Gaëtan? Ah ben, ça va bien. Pis toi et mon Gilles? Chris, que les choses sont allées vite pis loin pis ça n'a pas de bon sens. Ben écoute, quand même, félicitations, t'as enfanté comme qu'ils disent. C'est pas moi qui ai enfanté, j'ai comment dire, fécondé. Ah ouais, ben quand même, tu faisais partie du processus, donc en théorie... Ça a pas mal fait moins mal pour moi. Ben j'espère. Ouais, là c'est mes oreilles qui n'arrachent un peu, parce que Dieu sait qu'un bébé, ça est capable d'aller péter des aiguilles de VU, là, ben, ça, sans ça, trop d'efforts. Non, c'est ça, t'sais. Fait que c'est ça, c'est moi qui ai déjà piqué, on va peut-être baisser un petit peu les volumes, parce que, hey, puis plein d'affaires, chers auditeurs, vous devez peut-être être en train de pas nous voir là tout de suite, non, mais plus c'est tard. Ça. Mais ouais, vous allez peut-être nous voir un moment donné, parce qu'on est filmé maintenant, on va faire allô à la caméra. Bonjour! Allô! Fait que c'est nos faces. Ben c'est ça, ça a l'air qu'on ressemble à ça. Soit ça ou ben on a fait faire des chirurgies plastiques à la face-off. Pis, ouais, c'est très plastique ça, faire des chirurgies plastiques. Plastique, ouais, c'est souvent ça qui arrive. On va essayer de parler des micros pareil quand on regarde la caméra parce que tu sais des fois ça fait des affaires de même. Ouais, on... c'est ça, c'est pas facile. Ouais, c'est j'ai une chaise berçante, on peut refaire un sketch de François Pérus si tu veux. Non, ça va aller, je pense. Alors, ben pour les seuls qui vont nous voir sur les YouTube, bienvenue dans un antre de moins. Ça, c'est mon bureau. C'est notre studio. Oui. On n'a pas allumé le lampion de Gallagher pour les séries parce qu'on n'est pas encore en série. Non, mais par contre, les prochains épisodes, on risque de l'allumer. Ça, il n'y a aucun doute. C'est donc dans 3 semaines. Ouais. C'est pour pas dater l'épisode pantoute, là. Quelque chose comme ça. Puis sinon, ben quoi de nouveau? Un nouveau micro? Hein? Une nouvelle table? Il y a bien du nouveau finalement. Ouais, je pense que, tu sais, on avait dit qu'on commençait la deuxième année de la barrique il y a 2 mois, là, mais je pense qu'on la commence plus là. Elle est pas mal plus là, la nouvelle année. Ouais, là. Ça fait plus nouveau. Fait qu'on, pour 2 ans, on a eu 15 épisodes répartis sur 24 mois. Parce qu'on est tight, nous autres, dans notre horaire. Puis en une saison, on a eu 2 spéciales de Noël. Ouais, oui. Faut le dire. Une saison, 2 Noël. Moi, je trouve ça bon. Fait qu'on va commencer l'épisode en disant re-bienvenue à tout le monde. Puis on va saluer Poelman, qui est malheureusement pas proche de nous autres, mais on le salue. Ben oui, écoute, hein? Salut Poelman. Si tu nous regardes sur YouTube, on te fait des tatas. Puis sinon, ben on a de l'air de 2 caves à parler puis à faire des tatas dans le Non, mais c'est pas grave parce que les gens, ils vont se demander c'est qui Poelman. Fait que ça va faire un gros branch out vers plein d'autres personnes qui vont venir écouter ça. Non, c'est ça. Fait qu'on va juste à retourner, checker notre dernier épisode, puis ils vont être bien contents. La suite des idées, mesdames et messieurs. Hein? Est-ce qu'on t'arrange ça? Bon, ben, fait que, on a des petites pécanes, on a des chips, mais on n'a pas de bière encore. Ben, en fait, on en a, mais ils sont en arrière de toi. Ah, c'est fait ça. C'est ça. Fallait que t'es en amènes. Puis l'affaire, c'est qu'on peut pas parler de la bière tout de suite tant qu'on n'a pas encore parlé du jeu. Non. Fait que, on s'est dit qu'on allait critiquer un jeu que ça faisait un petit bout qu'on voulait critiquer, puis qui n'est pas réédité pour aller sur les consoles nouvelle génération. Bon, en tout cas, ils l'ont pas encore annoncé si ça s'en vient. Ça devrait s'en venir. Parce que Dieu sait qu'il y en a des rééditions. Bout de vierge. Okay, parlant de Dieu, on est allé avec le jeu BioShock Infinite. Ben oui, jeu que ça fait 2 ans que tu me tapes ses doigts pour que je joue puis que finalement, j'avais jamais le temps et ou l'argent puis tout ça. Puis là, il est tombé en spécial sur Steam puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas en profiter. C'est comme qu'on appelle, t'es un super radin, toi. Ben non, mais écoute, là, j'avais la trilogie de BioShock pour 8$. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est parce que c'est une trilogie en plus. Ben ça a l'air qu'il y avait un 1 puis un 2. Avant, là, non, mais dans le sens où tu m'avais juste dit que c'était BioShock qui venait à 8$, là, moi je pensais pas que c'était Non, ben t'es avais toutes, là. T'avais un beau bundle, fait que tu sais, comme j'avais déjà fait un, j'ai pas fait le 2, puis le 2 vaut pas la peine, anyway. Ben c'est ça. Fait que, mais est-ce que le 3 vaut la peine? Ben restez à l'écoute. Restez à l'écoute, comme qu'ils disent. Et bon, ben c'est ça, t'sais, BioShock, il y a plein d'affaires, et que de mieux pour aller avec une bière, pour aller avec un jeu qu'une bière. Sacrifice. Vous avez sûrement entendu mon genou pogné dans la table, parce que tu sais, même moi je me surprends. Ben écoute. Ça fait qu'on est allé avec une bière que je donne tout de suite à mon cher collègue. Ben oui. C'est la bière qui est la Patriote. C'est thématique, hein? Ben oui, quand c'est même. Ça. Qui est de la microbrasserie Le Grimoire, qui est une Scotch Ale à 8%. Donc, ça va être bien le fun d'ici la fin de l'épisode. Ça risque d'être assez funé ballonné parce que c'est quand même une 660 millilitres, donc ça va, être, on ça aime va ça. Être bien agréable. Fait que si vous voulez voir, ça ressemble à ça. Puis, non, tu feras pas chier l'autofocus, ça va bien. J'ai essayé. Non, ça c'est bien ça. Là, comme d'habitude, j'ai pas mon débouche. Il va falloir qu'on partage le même débouche. Écoute, man, je me suis dit, fuck ton porte-clés tout rouillé. On a un requin marteau-piqueur qui se convertit en tire-bouchon. Comme ça. Écoute. Débile, hein? Les choses que tu peux faire. T'es sûr que t'as pas acheté ça au Mercado, toi? Je l'ai reçu à Noël. Ah, tu vois. Et boy! J'avais vraiment pas une bonne prise. Je te conseille de bien pogner ta bouteille. Et boy! Fait qu'en direct, dans deux micros différents, à deux moments différents, on a des pichites de départ. C'est parce que... je pense que c'est le bouchon de la bouteille le problème. Il est mou. Il se défait plus qu'il se débouche. C'est peut-être même... aussi le débouche. Moi, je pense que c'est un peu des deux. On blâmera pas juste une personne. Là. On met le blâme sur tout le monde d'habitude. Nous autres, là, on discrimine pas personne. Fait qu'on fait couler ça. Oh, c'est un beau brun, ça. Alors, pour les personnes qui sont atteintes de déficience visuelle, c'est un beau brun, en effet. On a un beau col. Attends, on va te mettre ça ici. Ouais, fais attention au gear qui coûte cher. Bon, ça, c'est un détail, au pire. On achètera ça avec l'argent que tu fais dans les rues le soir. Là. Ah! Fait que je te souhaite un beau chin. Ben, chin, puis au retour de la barrique. Pis, au retour. À vous autres aussi qui nous regardez, puis j'espère que vous avez du fun. Il y a une nouvelle ère de domination totale barricaine. Ah, puis Dieu sait qu'on va dominer. Yes, sir. Fait que santé. Ben, santé. J'aime ça. Ouais. Elle est un petit peu acidulée, hein? Ouais, quand même. Contrairement à d'autres Scotch Ale qui le sont moins. En fait, je la trouve plus amère qu'une Scotch Ale. Tu sais, peut-être plus traditionnel, qui d'habitude goûte plus le caramel, le malt, qui a un côté plus doux. Ouais, y a quelque mais chose l'amertume est vraiment en fin de bouche. Là. C'est pas, ouais, c'est ça. On dirait quasiment que ça va chercher des arômes de fruits. Là. Mais en fait, y a un petit quelque chose de fruits, il y a un petit quelque chose de grillé. C'est ça, c'est le grillé que je dis. C'est ça. C'est ça l'amertume que je disais. Là. Bon, ben, on va casser ça tout de suite avec une petite pacane. Ben écoute, toujours la pacane. Parce que pourquoi pas? Parce que là, on s'est dit qu'on allait indulger dans un petit peu de grignotine, vu que c'était une grosse bière. Ben, il faut, hein? Fait que si jamais il y a trop de crunch dans les micros, vous nous le direz. Ouais, puis on va vous dire d'arrêter de chialer. C'est ça. Si vous avez des commentaires à nous passer à l'effet du crunch, c'est bien simple. Écrivez un email, sortez dehors, puis sacrez-vous en feu, puis on n'en parle plus. Non, c'est ça, exactement. En fait, nous autres, on a un peu engagé le même gars que, tu sais, Vanessa Young, là, que le gars où. C'est quoi l'annonce d'assurance, là, que le gars, il fait rien fait parce pas qu'il fait. C'est gratuite, là. Déjà qu'on n'est pas payé pour ça. Il y a ça. Peut-être qu'à un moment, on va avoir une commandite d'assurance, hein, ou. Ben, ça sera pas Vanessa. Maudite affaire. Ah, bout de garde. Ça fait que BioShock Infini, c'est un. FPS. C'est un FPS. Qui est un first person shooter ou un tir à la première personne. Ouais, un jeu de tir à la première personne. C'est ça, faut dire jeu de tir à la première personne. Ouais, c'est ça. L'OQLF est bien sensible sur les termes, hein, fait que faut pas que t'en coupes. C'est quoi le nouveau terme, là? Divulgaché, là? Divulgaché? Ouais, pour les spoilers. Un divulgache. Ouais, tu divulgages quelqu'un quand tu spoil de quoi? J'aime mieux dire spoil. Mais... ben, ça fait mal un peu, tu sais. Ouais. Je sais pas, c'est rare que je dis vulgaire. En tout cas, c'est on passe une autre tangente. Là, non, c'est tout autre épisode. Alors, bref, c'est ça. BioShock, c'est un first-person shooter qui aime beaucoup se situer dans des environnements fantastiques, mais quand même assez proches de la réalité, qui ont pour but de décrire ou de dépeindre une situation historico-sociale américaine difficile. Sacrifice que t'as de l'air à avoir beaucoup de vocabulaire, puis tu sais, de savoir de quoi tu parles. Mais c'est parce que je regarde mon livre de Ayn Rand qui est là, et on fait des liens un peu avec le subjectivisme de Ayn Rand dans les premiers BioShock. C'est très hors déco, et c'est très c'est une personne contre la masse. C'est très profond et philosophique, mais on embarque dans un sujet qui est très narratif, puis on voulait peut-être un petit peu commencer à parler du gameplay. Là. Je pense que je commence à avoir des convulsions. C'est-tu normal ou... Ben, moi, dire, les gens qui vont regarder le YouTube, ils vont vraiment pas dire ça. Non, c'est ça. Fait que, ouais, ben, gameplay, hein? Fait que gameplay, ben là, de la manière que ça commence, c'est que t'es tout le temps, dans les jeux BioShock, on t'amène à une tour quelconque, un fort dans la nuit. C'est toujours demain. Fort dans la nuit! Puis ramène pas ça, man. On t'amène en quelque part que c'est secret, puis t'as jamais eu accès à cet endroit-là. Et de là, tout commence. En fait, pourquoi est-ce qu'on arrive là dans BioShock Infinite? T'as juste pas tant d'explications. T'sais, t'arrives là, tu sais pas nécessairement t'es qui. Je pense que t'entends Do It à un moment donné, mais that's it. t'ouvres une boîte, puis t'as une coupe d'effets, puis tu dis « Ah, OK, j'ai une mission, faut que j'aille voir telle personne. » Ouais. Puis finalement, ben c'est ça, tu te fais dropper sur le fort, tu décides de monter, puis rendu en haut, ben là, t'as une belle surprise parce que tu te rends compte que finalement, il n'y a personne en partant. Ouais. Puis tu t'en vas pas juste au fort, tu sais. Ça va pas mal plus loin. Non, le fort, c'est pas mal comme une station de métro juste avant de traverser le fleuve. Là. Dans le fond, c'est la station Peel de BioShock, finalement, tu sais. Ouais, parce que Dieu sait que tu peux te ramasser à soit McGill ou... Ou Columbia, tu sais. C'est ça. Fait que toujours est-il que c'est ça, si tu t'assois dans un beau gros siège de barbier, et puis là, tout d'un coup, ben, ton siège lève dans une capsule de type fusée. Mais d'ailleurs, juste pour faire une petite mention, là, la séquence quand tu te rends en haut puis que tu ouvres la porte avec le ciel qui flash rouge, c'est malade. Ouais. C'est hallucinant. Fait que c'est ça. Autant que BioShock 1 et 2 se situaient dans une ville qui se nomme Rapture, qui est une ville sous-marine collée au fond de l'océan. On pourrait peut-être appeler ça un genre d'Atlantis quelconque. Genre. Columbia, qui est la ville de BioShock Infinite, est dans le ciel. Ouais, exactement. C'est différents modules de type nuages à ballon gonflable qui flottent les uns à côté des autres et qui sont interconnectés par des systèmes de ponts qu'on utilise, qu'on n'active pas du tout nous-mêmes dans le jeu. Là. C'est vraiment juste là pour, faire état de comment est-ce que c'est là-bas, là-dedans. Mais c'est ça l'affaire. La mission, elle a été un petit peu dit au début du jeu. Find the girl, wipe away the debt. C'est ça. C'est tout ce qu'on sait. On se promène, on arrive dans la ville. Puis c'est comme tu dis, là, quand t'arrives en haut puis que tu vois les bâtisses dépasser les nuages. Les nuages. Puis il y a comme un module de bâtisse qui tombe à côté de toi. Ouais. Parce que c'est là, lui, il a juste décidé de dropper d'altitude là, comme ça. Waouh, c'est magnifique. Ah, c'est hallucinant, tu sais. Puis. L'affaire aussi, c'est contrairement à BioShock 1, et parce que j'imagine le 2 aussi, ben j'ai pas joué, fait que je commenterai pas. 1 et 2 sont bien pareils. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans le 1, quand t'arrives dans Rapture, tu sais, c'est très claustrophobique parce que justement, tu te sens dans l'eau, tu te sens un peu pris, c'est sombre, c'est des couloirs, tout ça. On sent même l'humidité qui doit régner dans cet endroit-là. Oh, ouais, c'est ça. Tandis que quand t'arrives dans Columbia, t'as l'impression au contraire d'être libéré parce que tu passes d'un endroit qui est super sombre, tu sais, c'était la pluie, il y avait un orage dehors, tu sais, tout était mouillé, tout était brun, gris, tout ça. Puis t'arrives là, puis il y a plein de couleurs. C'est le gros soleil. Il y a des bâtisses partout avec des ballons, des trucs qui se promènent. Puis c'est comme... OK, là, c'est vraiment l'inverse qu'ils ont fait, là. Mais quand t'as dit « on se sent libéré », c'est drôle parce que c'est à double tranchant, tout ça. Les gens dans Columbia, ils sont pas nécessairement libres. Non, mais pour le joueur, ça donne cette impression-là. Tu sais, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, mais on dirait que de voir ça, c'est apaisant. C'est comme... Oh, wow, OK, c'est vraiment quelque chose de spécial. Oui, puis le sentiment d'immersion, il est total parce que du moment où on commence à avoir le contrôle sur notre personnage qui s'appelle Booker, on est à l'intérieur d'un temple ou d'une église quelconque. Puis là, on commence à marcher à travers, comment ça, on appelle ça une nef là, ou quelque chose, là, des espèces d'antichambres. Il y a plein de cierges, là, c'est partout. Ouais, ben c'est ça, c'est un peu comme une grosse chapelle. Exactement, une chapelle. Puis. T'arrives là où il y a une procession de gens en toge blanche et il y a une cérémonie de baptême à la chaîne qui se passe, puis on commence le jeu en demandant le pardon. Là. Ouais, c'est ça. C'est très fort. Ouais. Puis ça aussi, c'est encore là, c'est super bien réalisé parce que t'es largement guidé dans cette partie-là du jeu, anyway. Mais le fait de te promener justement dans l'espèce... J'allais dire un lac, mais c'est pas un lac, là, mais tu sais, le bassin d'eau, disons, ce qu'ils font les... C'est un étang. Ouais, c'est un étang. Puis tu sais, t'as les nénuphars, puis tout. Puis tu vois les chandelles qui séparent les différents canaux, puis tout ça, c'est super beau. T'as vraiment l'impression, j'ai encore là, de faire partie d'un monde particulier. Là. Ouais. Tu sais, en même temps, ça te fait penser au vrai monde, mais c'est comme un peu trop beau pour être le vrai monde. Fait que tu sais, il y a... C'est-à-dire, c'est une utopie qui aurait existé si ça avait pas été d'autres événements sociaux ou historiques quelconques. Genre. Fait qu'eux autres, ils sont figés dans le temps. Puis ils vont tenir mordicus à ce que les choses ne changent pas. Exactement. Ben toi, t'es là pour tout crisser ça en l'air. Ça fait que les aventures commencent quand tu sors de là. Et puis là, t'es libre à toi. Tu peux explorer Columbia un peu. Mais tout va bien encore. Les gens vaquent à leurs occupations. On regarde le ciel. On mange une banane sur un banc. On fouille une poubelle pour trouver de l'argent. Des choses comme ça. Jusqu'à ce qu'on commence à arriver là où il y a une tombeau là. Et là, tout change parce que on se fait donner un choix. Je pense pas que ça ait une grosse incidence sur le jeu. Ouais, c'est ça. J'ai pas savoir. C'est là qui est maudit parce que justement, t'as un choix, mais tu sais, d'un coup, t'en fais un, tu peux pas savoir c'est quoi l'autre. Exactement. Mais moi, tu vois, j'avais. Parce qu'on te donne. Tu gagnes une loterie. Puis là, on te donne une. Je pense que c'est un gun. C'est une balle de baseball qu'on te donne. C'est une balle de baseball, c'est ça. Il faut que tu pitches sur deux innocents qui sont attachés. Puis ça, faut que tu leur fasses mal. Puis, ben, c'est un choix de la lancer ou de la lancer sur le présentateur qui a amené les gens attachés. Fait qu'à partir de là, ben, c'est toi qui décides ce que tu fais. Moi, je l'ai pitché sur le gars parce que, fuck. Tu sais, ça m'a donné. Naturellement, hein? Ouais, moi aussi. Fait que aussi. Je sais pas c'est quoi qui serait passé autrement, mais j'imagine que ça aurait été pas mal la même chose anyway. Probablement, ouais. Parce que on te reconnaît. On a senti que tu t'en venais à Columbia, puis t'es pas supposé être là. Non. Et puis, c'est là que, bon, les autorités commencent à se ruer sur toi, genre. Mais c'est pas à cause de la marque sur ta main qu'ils te reconnaissent, me semble? Plus tard, oui. Ah oui, c'est ça, c'est plus tard, ouais, OK. Mais en tout cas, toujours est-il que là, le vrai gameplay de BioShock commence, c'est-à-dire, on a des guns, puis on commence à tirer dans le tas. Ouais. Puis ça fait un job, pas à peu près, encore une fois. C'est ça. Fait que là, ben c'est ça, t'as ton gun, tu commences à tirer tes premiers ennemis, puis c'est pas longtemps après, parce que tu auras une couple d'ennemis qui vont arriver, puis tout ça, puis là, tu vas finir par t'en échapper, puis... Ouais, c'est traditionnel. Tu vas arriver dans une place où t'as les. C'est des petits jeux, finalement. Puis là, c'est là que tu vas découvrir les Vigor. Les Vigor, oui, c'est ça. Donc, on appelait ça des plasmides dans BioShock 1 et 2. Ouais. C'était nos super pouvoirs, finalement. C'était des espèces de tonic water là, qu'on pouvait boire. Puis ça nous donnait. En fait, tu les injectais, si je me trompe pas, dans BioShock, right? Dans le premier. Je pense que la seringue servait à se régénérer la health de ça, là, la base d'utilisation. Ouais, okay. Non, n'en demeure pour moi que c'était comme une bouteille de quelque chose que tu buvais. Là. Mais le cœur du gameplay, c'est ça. C'est l'utilisation de autant des armes à feu que des espèces de super pouvoirs. Et puis là, on est vraiment été dans des côtés pas fantastiques, là, mais presque. Là. On est capable de faire sortir des volées de corbeaux meurtriers. Pis, non, c'est ça. Tu commences avec... Tu peux prendre le pouvoir d'une machine puis la ouais, rendre amie à toi. Tu peux... après ça, les autres, t'en as un peu plus régulier. Genre, tu peux envoyer quelqu'un dans les airs. Elles sont assez standards. C'est-à-dire que autant les classiques sont encore là. Le feu, ouais. L'électricité, la télékinésie, il me semble, qui revient plus tard. Peut-être. Je t'ai peut-être pas rendu là. Fait que, tu vois, bon, on en a des nouveaux qui est donc la possession. C'est-à-dire qu'on peut posséder un ennemi qui va nous aider, qui va tirer sur les autres ennemis. Même les machines. Pareil comme dans BioShock 1, où il y avait des caméras de surveillance à certains endroits. Là, il n'y en a pas dans Columbia, mais il y a des tourettes, des tourelles plutôt. Ouais, j'avoue que c'est des qui sont automatisées. Ouais. Tu peux posséder ça va t'aider pendant un petit bout. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le feu, je l'ai dit. Ouais. Il y a du feu. Il y a de l'électricité, il y a plein d'affaires. Il y a le feu, c'est ça. Il y a le feu. As-tu parlé du feu? Il y a du feu! Ben, ça a l'air. Ah, c'est cool, ce qu'on me dit. Ah, j'aime bien ça, le feu. Tu vois. Puis les vigueurs en tant que telles ont même deux utilisations. On peut setter des pièges au sol. On peut vraiment juste placer un piège électrique au sol, dépendamment de si tu tiens ton piton plus longtemps. Non, ou c'est pas. Ça. Fait qu'au lieu de juste envoyer des éclairs vers un ennemi, mais dans le fond, tu tiens plus longtemps, ça va garocher un petit objet à terre, puis du moment que l'ennemi va passer dessus, ben là, il va avoir le choc électrique. Et oui, fait que des fois, ça peut être pratique pour les ennemis qui ont certains patterns, qui t'ont pas vu nécessairement. Ben, tu ouais, peux, mais c'est pas comme si ce jeu-là encourageait une approche stealth, parce qu'il y a aucun power ou feature dans ce jeu-là qui vont te permettre de passer inaperçu. Non, là-dedans, c'est vraiment... tu tires, tu shoots, c'est assez de mécanique, tu sais. Ouais, parce que parlant de ça, il y a pas... La map est grande, on sent que Columbia est très vaste, puis les zones sont quand même assez grandes aussi, mais malheureusement, c'est pas un open world, c'est quand même assez linéaire. Ouais, ben c'est ça, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, c'est très linéaire, mais en même temps, le fait d'être à l'extérieur, puis de voir les autres petites îles qui flottent, ça te donne l'impression que c'est grand, puis tu peux faire un paquet d'affaires. C'est vraiment une impression, là, sans plus. Mais ça fonctionne, moi, ouais, je trouve. Oui, c'est ça fonctionne. C'est que t'as moins l'impression d'être pogné, justement, dans BioShock 1. Comme je disais, c'était souvent des corridors puis des pièces qui étaient très petites. Claustrophobes, c'est très dedans, claustrophobique. Tandis que là, c'est complètement différent puis ça fait du bien. Je trouve que c'est un vent de fraîcheur que de voir, justement, cette grandeur-là devant toi. Il y a quand même beaucoup de raccoins dans toutes les zones. On va encourager le joueur à aller partout dans tous ces raccoins-là pour trouver, c'est ça, encore une fois, le looting, le pillage. Le pillage. vous avez peut-être pas vu ma face là, mais sur YouTube, vous allez voir la face que j'ai faite. Non, c'est ça. Donc, le pillage est une partie assez importante de BioShock parce que on a toujours besoin de se nourrir pour augmenter notre vie. On a toujours besoin de trouver de l'argent pour ainsi dépenser cet argent-là dans les machines distributrices. Mais oui. Pour s'acquérir plus de munitions et acquérir des power-up. Comme ça, on peut augmenter le niveau de dommages de nos armes à feu. Ça, je pense qu'il n'y a pas de traduction française pour power-up, tu vois. C'est une bonne chance. Même chose avec nos vigueurs, qu'on peut leur augmenter le niveau de pouvoir, mais on arrive à un certain moment donné dans le jeu où on n'a plus besoin de faire ça par soi-même parce qu'on va avoir de l'aide. Et ça, c'est une grande innovation de BioShock Infinite, Elisabeth. Ouais, ben c'est ça. Fait que la fille que tu devais aller chercher au début du jeu, ben c'est... Bring us the girl. C'est ça. C'est Elisabeth. Que tu ramasses dans une tour qui est faite à son effigie, c'est vraiment un peu weird. Ouais. Il y a un gros culte de la personne. Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça, tu vas aller la chercher, puis bon, il arrive un paquet d'affaires, on rentrera pas dans les détails, on va pas spoiler rien, mais elle va devenir... Divulgâché qu'on dit. Divulgâché, maudit. Je te dis toi, man. Maudit. La corde est là. La prochaine fois, je te prends. <C'est> ça. T'es-tu un maître me taper ses doigts? Une strègue en métal. Oh boy, ouais, ça fesse ceux-là, par exemple. Ouais. Sur le côté, là, ça coupe plus que ça fesse, man. C'est ça. Watch out! Fait que, tout ça pour dire. Donc, ça devient un peu tout comme ton compagnon, mais pas mal moins chiant que dans Skyrim, mettons. C'est-à-dire qu'elle a une intelligence qui est bien élaborée ou développée dans le sens où t'as pas besoin de t'occuper d'elle. Non, c'est elle qui s'occupe de toi. C'est une des premières affaires que le jeu te dit quand tu commences à jouer avec elle, c'est... T'as jamais besoin de la défendre. Mm-hmm. Elle va toujours s'occuper d'elle-même. Elle est capable de s'arranger avec ses troubles. T'as pas à t'assurer qu'elle reste en vie ou quoi que ce soit. Elle va toujours être en vie. Elle va toujours être correcte. Fait que ça, c'est déjà beaucoup. Parce que souvent, ce qui est chiant avec les types de jeux où t'as des compagnons qui te suivent, c'est « Ah non, ça me fait, c'est un poids pour moi parce qu'il faut que je m'assure qu'il marche. » C'est un sacré boulet. C'est-à-dire que dans d'autres jeux, on va te demander, c'est ça le but de la mission, c'est de défendre ton acolyte. Il meurt, c'est game over. Ouais. D'autres fois, c'est ça, c'est comme dans Skyrim ou dans Fallout, t'es capable d'avoir quelqu'un pour t'aider, mais si cette personne meurt, ben elle est morte. Non, il n'y a plus rien à faire. Il faut t'aider piller à ton tour toutes les choses que cette personne-là traînait sur elle. Mais là, c'est fait. Fait que si tu veux la revoir, faut que tu recharges ton dernier sauvegarde. Genre. Et que ça fait mal. Mais reload ton dernier save game, bout de vierge. Bon, allez-y. Mais non, ça, puis c'est super pratique parce qu'elle, dans le fond, sa job, si on veut, c'est qu'elle va chercher autour pour justement trouver des items qui sont disponibles. Fait que s'il y a de l'argent qui traîne, s'il y a des plasmides, mais des vigueurs qui traînent. En fait, c'est des sels. On consomme des sels pour augmenter. Mais tu sais, t'as des sels, t'as les vigueurs, t'as des ammo, des balles, des trucs comme ça qui traînent. La santé aussi, des petits packs de médecins. Non, c'est ça, puis au lieu de juste te le rajouter dans ton inventaire, c'est vraiment, ça, elle te dit « Hey, j'ai trouvé ça », puis là, tu pèses un bouton, puis elle va te le garrocher, puis tu l'attrapes. Fait que ça devient un quick time event avec une petite animation qui est belle fun de elle qui te lance un 25 cents pendant qu'il y a des balles de fusil qui passent à travers tout le monde, toi qui le rattrapes et qui le regarde. Tu prends le temps de regarder la pièce que t'as reçue, tu sais. Mais c'est cool parce que l'animation est quand même assez rapide, fait que ça, c'est pas du temps perdu ou quoi que ce soit. T'as pas l'impression d'être ralenti par cette animation. Ça brise pas le flow. On peut continuer le combat tel qu'il était. Puis c'est bien correct. Ah ouais. Puis c'est sûr que des fois, ça peut bugger un peu. Tu sais, à un moment donné, genre, elle a trouvé une scène l'autre bord du mur. Puis elle met le pitcher à travers. Tu sais, c'était un peu weird. Ouais. Ça tient pas compte des murs puis des collisions. Non, c'est ça. Mais rendu là, c'est ça. C'est pas grave. Ouais. Ça m'est arrivé une fois sur je sais pas combien de fois que c'est arrivé. Tu sais que j'ai triggeré cette animation-là. T'sais. On dit déclencher. Je sais bien, le mec. Check guard. Ah ouais, check guard. Mais une autre affaire avec Elisabeth, c'est qu'elle, elle a un pouvoir qui ne vient pas des vigueurs ou des plasmides ou de quoi que ce soit. Elle est capable de déchirer des ruptures dans le temps, ce qu'on appelle des tears dans le jargon du jeu. C'est un peu un portail. Ouais, c'est un portail... à travers le temps, en fait, c'est que c'est pas juste à travers le temps, c'est le temps et l'espace. Ouais, c'est ça, exactement. Elle est capable d'ouvrir une rupture dans l'espace-temps, autant à l'endroit où elle se trouve ou ailleurs. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, c'est une des premières choses que tu vois, c'est... Elle ouvre un portail vers Paris. C'est genre, je pense, des années 80 parce que t'entends la musique qui est. Ouais, on entend une chanson qui est. Ouais, c'est ça, j'ai oublié c'est quoi la toune, mais c'est. J'allais dire David Bowie, là, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est une toune genre très années 80, là, ça va me revenir éventuellement. Flock of Seagulls. C'est ça? Duran Duran. Non, non, non, non. TMCC. Allez, là, regarde, on passera pas une demi-heure là-dessus. Là. Vous commenterez à cet effet-là, d'ailleurs. Non, c'est ça, parce que Dieu sait que ça... Mais ça, hey, ça, juste ça. Avant de continuer avec Elisabeth, je regarde l'heure, puis c'est l'heure de la gorgée du milieu. Mais quand même, hein, on a pas le choix. Ouais, on a tellement perdu de temps au début avec l'histoire de l'intro. Là. Trop d'affaires. On vous a divulgâché toute l'intro du jeu, tout le monde. J'espère que vous nous en voulez pas. Hein? Scotcher à l'appui. Okay, qu'est-ce que t'en penses de cette bière-là qui s'appelle la Patriote? Puis il faut qu'on revienne sur le sujet du patriotisme avant la fin de l'épisode, parce que c'est quand même très important. Mais qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est bon. Je n'haïs pas ça, mais définitivement, je m'attendais à plus sucré comme bière. Puis elle n'est pas tant sucrée que ça. Ça joue vraiment plus sur, comme je disais, le côté grillé que le côté maltais. Et caramel, mais c'est pas... Non, c'est intéressant. Ouais. Je pense que c'est juste différent de ce à quoi je m'attends d'une Scotch Ale normalement. Oui. T'sais. Moi, je trouve que là-dedans, je goûte un espresso dans lequel un zeste d'agrumes a été injecté. Un peu, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'acidulé au début. La première fois que tu goûtes, c'est ça. Puis c'est pas clair exactement c'est quoi, mais checker sur la bouteille, il y a peut-être de quoi d'écrit. T'sais. Peut-être. Je te laisse faire ça, moi je suis pas lire. Ben non, c'est ça, tu sais. Ça a l'air qu'on t'a jamais appris à lire. Eh non, écoute. Moi là, c'est... Alors j'en ai pas de skill. Oui, non, ça. Écoute, oui. Fait, qu'est-ce que ça dit? Les affaires qui se passaient dans le monde. Cette chèvre ne sera plus jamais la même. Cette chèvre ne sera plus jamais chèvre. Cette chèvre n'est pas déjà ce qu'elle a été. Elle n'est pas ce qu'elle a déjà été. Ouais, mais encore là, as-tu déjà été ce qu'elle a été? Pas autant que la jument. La jument, elle a été. Elle a été quelque chose, même elle pue. Oh non. elle l'est plus. Elle ne sera jamais. Oh, que non. Ben, ça ne dit rien, finalement. C'est juste un espèce de petit poème sur le côté. C'est cute, mais ça ne parle pas bien de la bière. Ah, ben cool. Ce qui voudrait dire, en fait, que nos auditeurs pourront eux-mêmes y goûter et commenter. Ça. Faites votre idée, parce que. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est que vous engagiez le dialogue de ces bières-là qu'on déguste, en fait, qu'on teste pour vous autres, on veut. C'est ça. Dans le fond, nous autres, on fait toute la job sale pour vous autres. Je sais pas si vous comprenez que, on n'est pas payé là-dessus, nous autres. Vous avez vu le setup de mon gars, là? Hey, là c'est pas... Savez-vous l'argent qu'on investit pas là-dedans, là? Cette bière-là, c'était pas donné, puis ces micros-là, puis la caméra, là. Hein? Peu de vierge? Non, mais ça se peut-tu... Fané gras. Fait que l'affaire avec Elisabeth, c'est que... c'est ça. L'affaire avec Elisabeth, c'est que autant qu'elle le fait par elle-même, qu'elle va pouvoir te donner l'opportunité de faire apparaître certains éléments dans le layout d'une mission. Ouais, ça c'est... Puis en plus, c'est le fun, ça. Ça change la donne parce qu'on peut changer la méthode avec laquelle on va passer à travers la mission. Ouais, ça a été super bien présenté parce que dans le fond, la première fois que tu vois ça, c'est t'arrives à une porte grillée. Puis tu peux pas traverser l'autre côté parce que t'es trop gros, mais t'es pas vraiment gros, là, mais t'as juste une shape qui fait en sorte que tu peux pas passer dedans. Ouais. Puis Elisabeth, elle peut passer. Fait que là, elle passe. Puis là, comment je vais essayer de trouver un moyen. Finalement, elle ouvre un portail, puis ça donne un hook, un crochet qui est dans les airs. Fait que là, tu peux t'accrocher avec ton skyhook, qui appelle. Ouais. Puis, le Skyhook, une autre partie très importante de BioShock Infinite. Oui, parce que souvent, tu vas te tourner d'une île à l'autre avec des espèces de rails. Puis au lieu de te promener avec les espèces de locomotives, ben c'est pas vraiment une locomotive, là, mais tu sais, j'ai oublié le terme, là, mais tu sais, une espèce de... Des wagons. Ouais, un wagon, gondole, peu importe. Là, ouais, c'est ça, ces espèces d'affaires. Téléphérique. Ouais, la patente. Chairlift, T-bar, toutes les affaires T-bar. Qui permettent de monter à quelque T-bar, part. T-bar, c'est bon. Un T-bar, man. Hey, c'est encore des T-bars, ça existe encore. Moi, je te dirais que Titus Mountain, c'est clair qu'il y a encore un T-bar. Il y a encore un T-bar. Yes, sir. Mais non, c'est ça, c'est une partie importante. Puis, parce qu'il y a beaucoup de combats qui peuvent se faire avec, en fait, pas avec, mais sur le Skyhook en tant que tel. Ouais, quand tu te promènes sur les rails, tu peux tirer. Effectivement, tu peux, on peut augmenter ou réduire la vitesse, on peut sauter d'un rail à l'autre, donc changer de direction au besoin. Puis c'est ça, il y a des crochets qui existent qui nous permettent de juste passer... en hauteur. Donc là, avec BioShock Infinite, vu que ça se passe dans les nuages, ça allait de soi qu'il fallait absolument ouvrir le troisième axe. Puis là, la verticalité prend toute sa valeur, en fait, avec le Skyhook, qui est le fun, parce qu'on a non seulement un élément de hauteur, on a aussi un élément de vitesse. Évidemment. Qui nous permet de juste passer free à côté d'un ennemi. Puis tomber en arrière puis le surprendre. Non, c'est ça. Puis aussi, le Skyhook sert vraiment... C'est ton arme de mêlée C'est avec oui. ça que tu donnes tes coups de poing. C'est ça. T'sais. Autant qu'avant, c'était un wrench, ouais. une grosse clé à molette. Là, c'est cette affaire-là. Puis là. Ça fesse. Ça fesse ça, parce là, c'est il y a des finishes qui ouais, hey, ouais, puis c'est vraiment cool parce que quand tu frappes, t'as vraiment l'impression de frapper. Contrairement à justement quand tu tires les ennemis, ce que je trouve que, je sais pas si c'est nécessairement le sound design ou quoi que ce soit, mais des fois, t'as pas l'impression que ton pow-pow, il est bien puissant, tu sais. Surtout avec le pistol, on dirait que tu tires rien, tu sais, c'est quasiment un gun à pétard. Mais moi, c'est drôle, je trouvais que le sound design dans le jeu était quand même très intéressant, surtout au niveau des armes à feu. Mais c'est comme je te dis, c'est peut-être pas le sound design. Ça dépend des guns. C'est ça, puis ça doit dépendre de la situation, je sais pas. C'est juste qu'on dirait que j'ai l'impression que le gun avait moins d'impact que le coup de poing en face, ouais. tu sais. Non, on veut te récompenser d'avoir utilisé cette approche-là. Ouais, ouais. Puis, mais c'est ça, moi je trouve que les surtout le machine gun en tant que tel, là, il y a un beau son là, oh, relativement oui. vintage, il est quasiment élastique. Là, non, quand ça tire. Oh, et ça, le shotgun aussi, tu sais, c'est satisfaisant à utiliser. Ouais. C'est peut-être plus les petites armes qui sont moins impressionnantes, disons. Mais puis sont plus ou moins plates, mais sont toujours complémentaires à ce que tu peux faire avec tes plasmides. Ben c'est ça, tes vigueurs, puis pardon. En même temps. Je trouve que quelque chose comme un pistol, c'est super pratique comme arme secondaire. T'sais. Moi, j'ai tout le temps genre, le shotgun avec moi. Puis ouais. Quand j'ai plus de balles, ben, je prends mon pistol puis j'en ai en masse. Non, exactement. Et ça fait la job. Puis, à chacun son arme, hein, comme ils disent. Hey, chaque arc a sa propre corde. Genre. C'est un proverbe patnaudien. Ouais, c'est ça. Fait que toujours est-il que. Ben là, on voulait finir un petit peu avec Elisabeth et les terres. Fait que ce qu'elle fait apparaître, là, c'est autant, mettons, un bloc dans lequel on peut aller chercher de l'énergie, des crochets pour pouvoir monter dans des places qu'on pourrait pas aller autrement, des covers, parce que des fois, ouais. on manque de covers, on se fait tirer de tout bas de tout côté, fait qu'on veut qu'on se fasse apparaître un petit muret. Des fois, le portail va juste apporter des balles, des fois, ça va juste être des medkits, des fois, ça va juste être... une tourelle, ça peut être vraiment n'importe quoi, n'importe quel truc qui apporte au gameplay, genre ça peut apparaître dans un portail. Puis souvent, c'est que t'as le choix de ce que tu veux faire apparaître. Quand tu es arrivé dans une zone où tu vas avoir, mettons, quatre choix différents, mais tu peux juste en avoir un actif à la fois. Exactement. Fait que dépendant de ce que t'as de besoin, si t'es comme « Ah, là, j'ai vraiment besoin de vie, bon, ben, je peux fais l'apparaître, va le chercher, puis fais apparaître l'autre affaire. » Checker ma caméra qui a décidé de fermer son écran, mais on va voir si c'était juste un mode survie. Ouais, c'est ça, on est rendu là. Plein d'autres choses à parler. Moi, je voulais parler de la ville, juste comme ça. Là, je vais le dire tout de suite, ça va être fait. J'ai senti beaucoup d'émerveillement envers Columbia. Ouais. Mais pas un sentiment d'appartenance comme à Rapture, par contre. Non, mais... Ouais. Rapture, peut-être à cause de son art déco. Peut-être. Que j'adore énormément, puis le fait que c'est le premier qui m'a beaucoup plus touché que BioShock Infinite, que j'attendais quand même avec beaucoup d'impatience. Oui, oui. Mais j'ai moins d'appartenance à Columbia qu'à Rapture. Ouais. N'en demeure pas moins que Columbia est très intéressante, et puis c'est son passé, c'est sa narrative, c'est comment ce qu'elle est venue à venir à la vie, qui est très intéressant. Puis c'est quelque chose qu'on découvre tout au long de notre périple dans la ville, parce qu'on apprend comment la ville... en est venu qu'à être scalé, juste avec un collectible. On se promène, puis il y a soudainement une petite boîte qu'on peut aller interagir avec, puis ça nous donne un petit 20 secondes d'animation noir et blanc. Non, pour, c'est ça, c'est comme nous les... montrer. C'est comme c'est ça, les moments héritage. Genre, c'est ça, exactement. Voilà. C'est la minute du patrimoine de Columbia, tu sais. Puis à ne pas confondre toujours avec la maison Columbia, c'est un autre gimmick. Effectivement. Et on a du gimmick en même temps. Ah, écoute. Hein? Yeah. Chris. Mais c'est ça, cette histoire-là. Puis pour en revenir avec le choix de la bière Patriote, c'est que les gens qui habitent à Columbia sont très patriotiques. Oh, c'est oui. les valeurs américaines, presque le American Dream, mais vraiment ancrées dans des années 30-40. Ah oh, oui, c'est vraiment le... Dans le fond, c'est ça. La ville a commencé à exister dans ces années-là, puis ça n'a jamais évolué. Tu sais, exactement, et puis ils sont très racistes. Ah, extrêmement. Le choix qu'on a à faire au début traite de ça, mais tout au long du jeu aussi, on apprend comment est-ce que les Blancs traitent les Noirs. Je trouve qu'il y a une belle critique sociale qui est intégrée à la narrative du jeu, puis où est-ce que notre personnage s'intègre là-dedans et il doit faire les choix. On fait pas vraiment de choix, mais comment est-ce que c'est écrit fait en sorte que ça porte à réflexion. Ah oui, puis il y avait une scène moi, qui m'avait marqué, on peut dire, que c'était, je sais plus à quelle partie dans le jeu, à un moment donné, tu survoles, t'es dans un zeppelin, il me semble. puis tu survoles un... C'est comme une mine, puis c'est juste des noirs qui sont là, puis sont en train de piocher, puis ils chantent, puis c'est comme... Wow, OK, là, c'est, on est vraiment ailleurs, là. C'est, ouais, ouais. C'est vraiment... Tu te rends compte que c'est vraiment raciste, puis tout ça, puis c'est pas le jeu qui véhicule ça, c'est vraiment... Ils montrent, tu sais, ce que eux autres vivent. On reflète la réalité. Ouais. Qui existait puis qui existe encore sournoisement aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est pas aussi flagrant nécessairement, ouais. Mais tu sais. Mais oui, c'est ça. C'est de montrer à quel point c'était de même dans le temps. Puis c'est ça. Il y a du monde qui n'a jamais évolué. Puis. Mm-hmm. Non, ça m'avait quand même marqué parce que, comme je dis, au début, tu fais comme, ah, OK, c'est des prisonniers. Tu sais, c'est cute. Puis tout ça. Mais c'est au-delà de ça. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que, ouais, ben c'est tout des noirs. Puis là, t'es en temps chanté. Puis t'es comme, OK, ça. Les champs de coton et tout ça. Là. C'est ça, là. C'est rough, là. Ouais, fait que je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce jeu-là sur ce qu'on se fait à soi-même. Oui. Ah, écoute, il faut. Pas le choix. Ouais. Un autre point aussi que je voulais apporter, c'était les différents ennemis qu'on voit au cours du jeu. Ouais. Qui sont quand même assez intéressants. Et puis, il n'y a rien qui parle de plus patriotique robot George Washington. Que robot George Washington avec son Gatling Gun, ses deux drapeaux américains. Aïe, OK. Tu sais, là, le manège de Walt Disney avec les espèces de robots animatroniques. It's a tiny, tiny world. Ouais. Avec tous les engrenages, là, ben, de l'enfer avec un Gatling Gun. C'est, ouais. Non, ouais. C'est ça. Puis, tu sais, la première fois que tu le vois, il bouge pas. Ouais. Tu le vois dans un musée, puis t'es comment, il est vraiment malade, puis nice. Tout ça. Puis, on est, tu le vois prendre vie, puis non, là, c'est un peu moins le fun, tu sais. Ouais. Les handyman qui appellent, c'est des espèces de grands robots géants qui ont un cœur d'humain en dedans d'eux autres qui les fait vivre. Mais c'est juste des grosses brutes en métal avec des points larges de même. Genre. Vous allez devoir écouter le YouTube pour voir comment larges les points sont. Non, c'est ça. Puis ils sont pas faciles à tuer. Ils sautent, ils vargent, tasse-toi de là. Il y a les bébites avec les horns de chaque bord de la tête. Fait que eux autres sont du genre, tu sais, fais pas de bruit parce que si on t'entend, ben on crie, puis là, t'as une grosse vague d'ennemis qui vient vers toi. Il y a une popée variété, mais ça n'en demeure pas moins que ça revient pas mal du pareil au même. Tout le temps. Oui, tu sais, les ennemis de base, l'espèce de henchmen qu'il y a au début, t'es beau à n'en plus finir. Chose que j'ai trouvé intéressante, il y a des filles. Oui, c'est con, hein? Il y a des soldats. C'est ça. Ouais. Quand j'ai vu ça la première fois, puis ça fait weird de devoir dire, genre, j'ai trouvé ça pas weird, mais tu sais, j'ai remarqué ça. Uh-huh. Parce que c'est tellement rare dans un jeu à cette heure que tu sais, c'est pas quelqu'un de spécial, là. C'est pas genre, hey, on fait la promotion de la femme ou on fait pas la promotion de la femme, peu importe. C'est juste, ben, dans ce temps-là, t'avais des femmes puis des hommes qui étaient soldats, puis that's it. C'est ça. Fait que on revient à l'idéologie du passé où est-ce que tout le monde pouvait être patriotique, peu importe qui t'étais, d'un gars ou d'une femme, mais tant que t'es pas noir, parce que dans le jeu c'est lui-même, ça. C'est rough. Mais non, ça, j'ai trouvé que c'est une petite touche qui était vraiment intéressante. Y a pas tout le monde t'égale. Ah ouais, c'est ça. Puis il y a pas grand monde qui font ça à Star, puis c'est le fun de voir qu'il y a un studio qui l'a fait. Puis mm-hmm. comme je dis... C'est presque rien, mais ça capte l'attention pareil, tu sais. Ouais. Quand tu l'entends crier qu'elle va te tuer, là, ouais, c'est là que tu restes l'air bête. Là, rendu là, t'as tué. Comme dans Skyrim avec toutes les autres bonnes femmes. C'est survival of the fittest, qu'ils disent. C'est à peu près ça, ouais. Mais pour survivre, justement, on s'en va vers une autre affaire. Évidemment. Pour survivre à Columbia, il y a toujours possibilité d'augmenter nos capacités à la survie et à la défense. Et là, on va aller parler des collectibles. Ouais. Parce qu'il y a quand même de quoi d'intéressant avec Infinite, c'est qu'on a des objectifs secondaires qui nous permettent de trouver des clés pour aller débarrer des coffres-forts qui sont situés à certains endroits. Ouais. Fait que ça prend du backtracking. Puis pour ça, ce qu'il faut faire, c'est absolument écouter toutes les Vodafone, les espèces de audiologues qu'on peut trouver. Puis là, ça va dire, hey, telle place, le coffre-fort, le code, c'est tel chiffre. Fait que là, tu prends ton chiffre, tu vas là. Puis qu'est-ce qu'on trouve? On trouve parfois des grosses fioles à trois couleurs. Ouais. Puis ça, c'est le fun. Parce que tu choisis si tu mets ça sur tes Vigors, ton Shield, puis ta vie. Dans le fond, ça t'en donne plus. Ouais, ouais, c'est comme un gros plus 1, là. Non, c'est ça, c'est que ça augmente ton maximum de... T'sais. Exact, exact. Fait que ça fait en sorte que, justement, si tu veux avoir plus de shield, plus de sword, plus de vie, ben, ouais, tout ouais. dépendant comment tu veux le jouer. T'sais, moi, je suis tout le temps du genre à mettre plus de shield, plus de vie, parce que c'est ça qui te tient en vie. T'sais. Ouais. Puis d'autres joueurs, comme, mettons, moi, vont utiliser beaucoup plus de sel pour être capable de caster plus de vigueur, parce que c'est le fun. Plus qu'on utilise les vigueurs, c'est le fun. Des fois, j'oublie que je les ai. Je me sers juste de mes guns, parce qu'on tombe tout le temps dans cette espèce de tunnel-là de « Ah, oh, c'est un jeu de guns, tu sais, partout. » Mais utiliser ces vigueurs-là, c'est ça la particularité du jeu qui fait que c'est le fun. Une autre affaire aussi qui est différente de BioShock 1 et 2, c'est les vêtements. Des power-ups de vêtements, on peut choisir quelle sorte de pantalon, de chapeau, puis de veste qu'on peut porter. Puis ça nous donne des power-ups du genre, quand tu frappes quelqu'un avec ton mêlée, c'est soit du feu Il peut pogner en feu. Des fois, ça peut être. Ça change la vitesse avec laquelle tu peux voyager sur les Sky Rails. Ça dépend. Là. Tu y vas comment tu le sens. Est-ce que ça fait une grosse différence? Pas tant. On s'en rend pas très compte. Non, c'est ça. Tu t'en rends compte la première fois que tu sacs un coup de poing et le gars pogne en feu, mettons. Mais sinon, ben, dehors de ça. Ça change peut-être plus le visuel que d'autres choses, c'est pas comme un jeu à la Skyrim où, après 40 heures de jeu, là, tu te rends compte que ton bonhomme est plus fort parce que ça dure quoi, là? Un gros 18 heures maximum? Je te dirais BioShock Infinite, peut-être. Ah, puis encore... Je suis peut-être généreux parce que moi je paye tout ce que je peux piller. Mais je suis pas sûr que ça se finit un peu plus vite que ça, mais chacun a son style de jeu, puis il va le finir. Si quelqu'un est capable de finir Bloodborne en 44 minutes, je pense qu'on est capable de finir... Il y a quelqu'un qui a fini Bloodborne en 44 minutes. Il y a quelqu'un qui a fini Fallout 3 en 19 minutes. Ouais, ben ça, c'est des histoires de glitch, puis de trucs. Ben ouais, ça, c'est out of map tout le temps. Mais non, je dirais un bon 15 heures pour BioShock Infinite, puis... C'est Tiguidou Lai Lai. C'est ça qu'ils disent. Hey, quand même, on est rendu à. Ça va voir la fin. On arrive vers la fin, vers la gorgée de la fin. Ouais. Et le verdict. Ben écoute, commence pas à prendre une autre gorgée, je pense. Parce c'est bien bon. Fait que moi, avant de prendre ma gorgée, je vais juste dire que j'ai bien aimé ça, BioShock Infinite. Après l'avoir fini, je l'ai recommencé. Mais surtout, quand j'ai fini ce jeu-là, j'ai été bouleversé. Ouais, ben là, c'est ça. Moi, je l'ai pas fini. Fait que c'est pas je ne vais pas te divulgâcher quoi ça. Que ce soit. Que je te vois me divulgâcher. Bout de vierge. non, c'est ça. Il se passait des choses à ce moment-là dans ma vie où j'étais peut-être à fleur de peau avec mes émotions. Ouais. Mon chat est mort. Ouais. Tu sais, là, je veux dire, j'avais la touche sensible. Le jeu a une sensibilité que j'ai pas vue dans d'autres jeux. Il y a un rapport entre les gens. C'est-à-dire toi, le personnage principal, et la quête elle-même, qui fait que quand ça finit puis que l'histoire est bouclée, là, ça fait mal. D'une bonne manière, ça veut dire fais attention à ce que t'as. Puis, waouh, j'ai trippé. J'ai recommencé le jeu parce que j'ai voulu essayer différentes tactiques, utiliser plus de vigueur, différentes armes, parce que j'étais tanné de ma zone de confort. On va essayer de jouer au jeu d'une autre manière. Fait que j'ai recommencé une partie, puis j'ai autant de plaisir, puis j'ai encore autant de plaisir à découvrir l'histoire, parce que c'est plein de petits détails ici et là qu'il faut écouter, puis prendre le temps d'accumuler, puis d'absorber. Pour bien savoir ce qui se passe dans Columbia, qui est une ville riche en histoire, à choses à découvrir. Ouais. Et puis, le boss de la fin, qui est pas un boss de la fin. Encore là. Vous comprendrez. C'est ça. C'est ça, exactement. Fait que finalement, ton verdict. Ben, c'est... écoute, moi, c'est comme d'habitude, c'est le jeu puis la bière. Je m'assois, je joue à ce jeu-là, je bois de la bière, je tue des bonhommes, je booste mon bonhomme. Puis non, et c'est un jeu qui a une pas pire valeur de rejouabilité à cause des différentes tactiques qu'on peut utiliser, c'est-à-dire vigor, gun, combinaison, tout ça. Oh, là. Ouais. Des secrets qu'on finit par tout le temps redécouvrir. Et puis, un autre gros coup de cœur, là, la toune. Des Beach Boys chantés en barbershop. Ah oui, et puis c'est au début du jeu en plus. Ça, c'est, au tout début, on se met dans l'ambiance c'est grâce à God ça. God Only Knows. God Only Knows chanté en barbershop. Le poil me lève. Fait que oui, les deux, go. Bon, moi ça va être le jeu. J'aime la bière, elle est pas mauvaise, mais je trouve qu'encore là, elle manque un petit punch, elle manque un petit quelque chose. Elle manque une petite douceur. Ouais, je sais pas, on dirait, pour moi, elle s'apparente plus à une brune qu'à une Scotch Ale. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, le côté genre plus noix grillé d'une brune, effectivement. Là, ça ressemble beaucoup plus à ça qu'à une Scotch Ale, parce que des fois, tu vas aller chercher plus de sucre. C'est peut-être juste une mauvaise batch. Ça peut arriver. Peut-être. Ou peut-être que c'est juste la façon qu'eux autres ont voulu faire un Scotch Ale. Puis tant mieux si c'est ça. C'est juste. C'est bon, on amène de la variété dans le style. Exactement. La bière, peut-être un peu moins, est bonne. C'est pas une mauvaise bière. Je veux vous dire, si vous la trouvez et ça vous tente, go for it. Ce sera pas un mauvais choix. Mais pour moi, le jeu plus la bière, définitivement. C'est bien bon tout ça. Ben oui. Fait que, ben écoute, Gaëtan, merci beaucoup d'avoir été ici pour ce redébut de deuxième saison de la Barrique Numérique. Il faut. Puis en passant, si ça vaut jamais le jour sur YouTube, c'est parce que ma caméra présentement a comme arrêté de marcher. Fait que c'est comme pas clair. Fait que ça se peut qu'il y ait juste jamais de version YouTube finalement. Il y a peut-être juste un demi-épisode qui va se ramasser vidéo YouTube. Peut-être, ça va être un épisode test. Genre. On va faire de quoi avec. On verra. C'est peut-être juste... On fera de la promo avec. C'est ça, exactement. Ouais, exactement. Ça va être cute. Voici de quoi ça a l'air. 23 minutes de deux gars assis qui parlent et qui boivent de la bière. Ben, ça va être parfait. Puis ça va couper bien sec en plein milieu d'une conversation. Ah ouais, direct. À cause de ça, là, rien ne sera divulgué. Non, c'est ça. Ça va être le bout de genre... Ah. Tu sais, la chèvre dans la grange coupe. Tu sais, ça va être parfait. Le meilleur cliffhanger possible. Ça va être suivi dans un autre demi-épisode la prochaine fois. Mettons. Fait que on va essayer de continuer tout ça. J'entends ma fille qui pleure et qui veut voir son papa. Fait qu'on va retourner à ça. Ça a l'air. Vous comprendrez naturellement que c'est à cause de ça qu'on a un petit peu pris notre break. On travaille, là, on va en faire. Tout ça pour dire qu'on vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous. Puis on vous demande, s'il vous plaît, de peser sur Continue pour la prochaine fois. Et puis, sur ce... À la prochaine. Bye bye.